dans ma gueule, elle est trop forte. problème, c'est que je suis vachement fort et j'entends pas les autres. C'est combien le niveau là? Ça. We'll be right back. Thank you.